Voilà, c'est la fin de notre grande émission des droits et libertés. Et si on regarde l'ensemble des épisodes, quelque chose apparaît très clairement. Les droits ne sont jamais abstraits. Ils touchent le corps, la famille, la santé, Internet, l'égalité, la parole, la vie quotidienne. Et oui, et c'est ce que nos invités, nos camarades, ont montré. C'est que derrière chaque droit, il y a des tensions, des choix de société et parfois des contradictions. Protéger l'environnement, garantir la santé publique, défendre la liberté d'expression, assurer l'égalité des chances, penser le droit des enfants ou des femmes, tout cela demande de trouver un équilibre. On a entendu qu'un droit peut être légal sans être légitime, qu'une liberté peut être protégée mais fragile, et qu'un espace comme Internet peut être un lieu d'émancipation ou d'exclusion, selon la manière dont on l'utilise. Mais surtout, on a vu que les droits évoluent. Ils se discutent, se contestent, ils s'adaptent. Et c'est exactement ce qu'ont fait les élèves. Ils ont débattu, enquêté, critiqué, expliqué. Ils ont montré que la citoyenneté, ce n'est pas seulement voter, c'est comprendre, questionner, argumenter. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés. Et si vous êtes lycéens, dites-vous une chose. Les droits, ce n'est pas un vieux manuel. C'est votre monde, vos choix, votre avenir. Et c'est à vous de le construire. Merci. Merci beaucoup.